En un moment, le vin de Bordeaux circula, les convives s'animèrent, la gaieté redoubla. Ce fut des rires féroces, au milieu desquels éclatèrent quelques imitations des diverses voix d'animaux. L'employé au muséum s'étant avisé de reproduire un cri de Paris qui avait de l'analogie avec le miaulement du chat amoureux, aussitôt, 8 voix beuglèrent simultanément les phrases suivantes. « À repasser les couteaux !»« Morons pour les petits oiseaux !»« Voilà le plaisir, mesdames, voilà le plaisir !»« À raccommoder la faïence !»« À la barque, à la barque !»« Battez vos femmes, vos habits !»« Vieux habits, vieux galons, vieux chapeaux à vendre !»« À la cerise, à la douce !» La palme fut à Bianchon pour l'accent nasillard avec lequel il cria « Marchand de parapluie !» En quelques instants, ce fut un tapage à casser la tête, une conversation pleine de coq à l'âne, un véritable opéra que Vautrin conduisait, comme un chef d'orchestre, en surveillant Eugène le père Goriot, qui semblait ivre déjà. Le dos appuyé sur leur chaise, tous deux contemplaient ce désordre inaccoutumé d'un air grave, en buvant peu. Tous deux étaient préoccupés de ce qu'ils avaient à faire pendant la soirée, et néanmoins, ils se sentaient incapables de se lever. Vautrin, qui suivait les changements de leur physionomie en leur lançant des regards de côté, saisit le moment où leurs yeux vacillèrent et parurent vouloir se fermer pour se pencher à l'oreille de Rastignac et lui dire « Mon petit gars, nous ne sommes pas assez rusés pour lutter avec notre papa Vautrin. Il vous aime trop pour vous laisser faire des sottises. Quand j'ai résolu quelque chose, le bon Dieu seul est assez fort pour me barrer le passage. Ah, nous voulions aller prévenir le père Taillefer, commettre des fautes d'écolier. Le four est chaud, la farine est pétrie, le pain est sur la pelle. Demain, nous en ferons sauter les miettes par-dessus notre tête en y mordant, et nous empêcherions d'enfourner. Non, non, tout cuira. Si nous avons quelques petits remords, la digestion les emportera. Pendant que nous dormirons notre petit somme, le colonel comte Franceschini vous ouvrira la succession de Michel Taillefer avec la pointe de son épée. En héritant de son frère, Victorine aura 15 000 francs de rente. J'ai déjà pris des renseignements et sais que la succession de la mère monte à plus de 300 000. »